Je te plains, ma pauvre Denise, dans quel embarras te voilà. N'y touche hélas ta compromise, comment vas-tu sortir de là? Oui, j'ai commis un vrai péché, mais c'est un péché sans malice, péché mignon et bien caché.